le mardi 5 septembre au Centre Vidéotron. Un concert unique à ne pas manquer. Billets sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Arcade Fire, nouvel album Everything Now, disponible maintenant. Connu le thème, eh oui, Terra Incognita, ce soir, de 22h à 24h, ou de 10h à minuit, si vous préférez. Bruno et Michel, ce soir, on est avec vous jusqu'à minuit, comme je viens de le dire, et on a plein de bonne musique, donc installez-vous confortablement, et on a deux bonnes heures de prog, et on commence avec une nouveauté qui nous arrive des Pays-Bas, Sky Architect, un groupe qui nous a visité, il y a plusieurs années maintenant, parce que j'ai pas de date exacte à vous donner comme ça, mais dans le cadre du Festival Terra Incognita, c'était la même année que Wobbler. Ça va peut-être situer quelques personnes. Moi, je n'ai pas d'année qui me vient vite de même, mais ça fait au moins 3-4 ans facile, plus que ça même. Et on a aussi le nouveau Tangent et bien d'autres choses. Donc, on va avoir deux bonnes heures bien tassées, bien remplies de bonne musique. Et on commence avec Sky Architect. Shoulders. find a place. Some kid will build a rope swing on a brook that has no name. The days away in the dream of youth eternal in the homes of yesterday. We'll be right back.

Vous écoutez CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les partout. Disponible pour Android et iPhone. N'attendez plus, faites-le aujourd'hui. Renouvelez votre carte de membre au 418-640-2575, poste 201, ou au 405 3e avenue à Limoilou, ou via PayPal sur ckrl.qc.ca. Adhérez avant le vendredi 1er septembre 20h et soyez éligible au tirage d'un certificat cadeau d'une valeur de $300 lors de l'émission du dévoilement de la programmation automne-hiver 2017-2018 au Bal du Lézard. De retour. Et on va jeter un petit coup d'œil en arrière. La dernière pièce qu'on vient d'entendre, c'était Discipline, un groupe de Détroit qui nous a visités, mon Dieu, il y a plus de quelques années aussi. Je ne suis pas fiable ce soir pour les dates. Captives of the Wine Dark Sea, et c'était la pièce Life Emitted. Oui, monsieur. C'est pas drôle, je ne suis pas capable de me parler. Enfin, c'est Discipline, comme vous l'avez. On avait le nouveau Tangent tout juste avant. C'est un titre assez long là, The Slow Rust of Forgotten Machinery. Moi je trouve que c'est un peu dans la lignée de ses premiers là, c'est vraiment bien. Andy Dillison, il n'est pas encore à court d'inspiration de Tangent, donc. Et on avait avant North Atlantic Oscillation de l'album Fog Electric. Et on avait donné le coup d'envoi ce soir avec Scar Architect, jeune formation des Pays-Bas. Là, c'est sûr qu'ils ont vieilli un peu quand même, mais ça reste quand même une jeune formation. Je pense que c'est leur quatrième disque. Le Nomad, c'est tout nouveau. Et en parlant de nouveautés, ben, on va enchaîner avec quelqu'un que tout le monde connaît forcément dans le milieu du rock progressif, Steven Wilson. Son nouveau disque solo qui est paru hier, To the Bone. Je pense que les avis sont un peu partagés, tendance peut-être un peu plus pop. Je suis un peu comme, il faut fort que je réécoute encore parce que j'ai pas accroché encore, sauf peut-être sur la pièce qu'on va écouter, The Detonation. Pour le reste, écoutez, je pense que ça mérite quelques écoutes avant de se prononcer. C'est qu'on continue donc avec M. Steven Wilson de son album To the Bone. Charm and the innocence, they are all gonna fall.

CKRL. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Venez vibrer au rythme de la francophonie à travers le monde du 2 au 4 septembre pour la 4e édition du Mondo Carnaval Culture en fête à Québec. Un voyage autour des cultures et du vivre ensemble, en compagnie des porte-paroles Marco Cagliari, King Habib et des invités d'honneur de plusieurs pays. Une foule d'activités gratuites pour toute la famille en plein cœur de Limoilou. Défilé carnavalesque le 2 septembre sur la 3e avenue. Spectacle de musique, danse, marché du monde, exposition, tournoi de soccer et projection. Mondo Carnaval, c'est plus de 600 artistes représentant 40 pays. Programmation complète, mondocarnaval.com. Et nous autres aussi, on a fait notre tour du monde. On va regarder ça. La pièce instrumentale que clôt le second bloc musical, c'était Elegant Simplicity, formation britannique, de son plus récent Kicking the Olive Branch. Après ça, on est en Italie avec Witchwood and Full of Stars. C'était la pièce Grave is the River. Après ça, petit détour en Australie, cette fois avec Anubis, de leur plus récent The Second Hand. C'était la pièce Fool's Gold. Et on avait amorcé avec Steven Wilson, To the Bone, Detonation. Donc, on continue notre périple mondial. Cette fois-ci, on va aller faire un petit tour du côté de la Belgique avec un groupe qui en est à son 7e essai. Un petit peu, je pense qu'on peut dire que c'est un peu dans la veine Osric Tentacles. Un groupe belge qui a pour nom Quantum Fante. Et je pense que c'est la meilleure description. C'est vraiment dans ces eaux-là. Et puis, c'est leur tout nouveau là, qui s'appelle Tessellation of Euclidean Space. Le temps de vous rappeler que vous écoutez Terra Incognita avec Bruno et Michel. On est avec vous jusqu'à minuit. We'll be right back. try and try to understand, but at most you'll just be settling for the lies anyhow. I could try and try for hours just to explain myself, but I guess there's no point when it seems I am already gone. chain reactors to stimulate crucial conversion to sample fuels. Doldrums are made. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Et l'information différente, locale et alternative. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. CKRL, la radio communautaire de l'année pour une troisième année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. La bande vidéo, les éditions Intervention, Table de quartier, l'engrenage de Saint-Roch, Société d'art et d'histoire de Beauport. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Acid techno, drum and bass, électro-industriel. Soyez à l'affût des nouveaux courants musicaux sur la musique électronique. Avec Biotech, les mardis de 22h à 23h30. De retour, on a écouté en fin de bloc, troisième bloc musical, c'était Bubble Matt, un groupe américain qui n'avait pas fait grand-chose pendant de nombreuses années, qui nous arrive avec un album assez relevé, merci, Edith Peptide. Après ça, ben, on était en Norvège avec un groupe qui, le nom est peut-être un peu bizarre, Soup, oui, Soup. De l'album Children of ELB, c'est la pièce In Memory of Richard Wright. C'est un hommage au défunt claviériste de Pink Floyd. Et on avait donné le coup d'envoi avec Quantum Fante, leur plus récent et septième album, Tessellation of Euclidean... OK, on va le recommencer. Le Tessellation of Euclidean Space. Donc, septième album pour cette formation belge. Dernière demi-heure avec Bruno et Michel. On va revenir avec le Stephen Wilson, le tout récent, tout chaud, To the Bone. On va écouter une seconde pièce pour ce soir. People Who Eat Darkness. C'est notre dernière demi-heure. C'est Terra Incognita avec Bruno et Michel, évidemment, sur les ondes de CKRL 89.1. Yeah.

put it to you one last time. Examine the plan. If the Bombay doors open this time, and the world turns to blue, falling from nightmares to life, I touch all I see. We'll be right back. In my way. ça nous vient des États-Unis. Troposphère, de l'album Troposphère. Avant ça, on était en Australie avec le tandem Steve Gilby et c'est Matthew Kennedy. Martin Kennedy, excusez pas, Matthew, je pensais, là, j'avais un autre en tête, Martin Kennedy. De l'album Glow to Fade de Sault Ste. Marie. On avait, c'est ça, il y a comme une petite coupure, je vais recommencer de Sault Ste. Marie. En Ontario, Machine Dream. Et on avait donné le coup d'envoi avec Steven Wilson, To the Bone, un disque. Je pense que je me trompe pas trop si je dis qu'il y a une tendance un peu plus pop que d'habitude. Et ben, je pense qu'il va y avoir quelques discussions à ce sujet auprès des fans. Le temps de vous dire que l'autoroute s'en vient avec Stéphane dans quelques instants. Je vous invite à visiter notre page Facebook de Terra Incognita pour avoir plein de nouvelles et tout ce qui a joué. Donc, il y a des ajouts à chaque jour. Donc, rendez-vous à notre page Terra Incognita Facebook. Sur ce, bonne nuit et restez des nôtres pour l'autoroute. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Ba-ba-ba-ba-ya! 89.1. À ne pas manquer sur La Fabrique culturelle. La rouge orangée de sa cigarette, le bleu et le vert par la fenêtre ouverte. Chansons en anglais, I'll kiss you deep and warm. Your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Juste Robert et MCC en duo pour une session hashtag La Fab. Est-ce que tu voudrais faire l'amour avec moi? Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Les 26-27 août prochains, Limoilou en vrac vous invite à venir célébrer le 150e anniversaire du Canada au Parc national Cartier-Brébeuf et au Parc de Lens à Cartier avec Rendez-vous Limoilou. Deux jours de programmation gratuite et variée pour toute la famille. Profitez de la zone participation, de la place des premiers peuples ou encore des nombreux spectacles dont celui de Safia Nolin et découvrez le quartier en participant au rallye historique. Un moment de partage entre l'histoire et la modernité. Programmation complète sur limoilouenvrac.com en collaboration avec Patrimoine Canada et Alupa Clark, député fédéral Beauport-Limoilou. Ouais, on a eu tout un party avec mes amis Bière et Join. Tiens, Join, prends les clés. Es-tu fou? Je suis bien trop stone. Hey, Bière! Ah non, une fois que je prenne pas, faut que je conduis plus. Reste-toi, Dave! Puis t'as pris juste quelques verres. Puis deux, trois puffs. Non, je conduis jamais quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus. Ben, comment on rentre chez nous? Allez, Dave! Ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire. Allô? J'aurais besoin d'un lift. Un message de Mad Canada. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les partout. Disponible pour Android et iPhone. Arcade Fire et la tournée Infinite Content. I need it.